15 A. Leur ami est très grand. Leur avion est arrivé à 4 heures. Il est parti sur un bateau. Il s'est assis sur une chaise.